sur un ordre de Sandy Patterson, un déjeuner venait d'être improvisé par le maître d'hôtel de la station, et les voyageurs s'asseyaient devant une table somptueusement servie. Les deux jeunes squatteurs ne tardèrent pas à connaître le but de l'expédition. Ils prirent un vif intérêt aux recherches de Glenarvan. Ils donnèrent aussi bon espoir aux enfants du capitaine. « Les Australiens ne sont pas cruels, » dit le jeune squatteur, « et Miss Grant peut être rassurée à cet égard. Quelques Européens ont vécu longtemps parmi eux, sans avoir jamais eu à se plaindre de leur brutalité. » Lord Glenarvan ne put refuser à ses aimables amphitryons de passer cette journée entière à la station d'Otham. C'était 12 heures de retard qui devenaient 12 heures de repos. Après une intéressante chasse aux kangourous, l'un dîner magnifique attendait les chasseurs. La soirée fut consacrée à la musique. À minuit, les hôtes de la station, conduits à des chambres fraîches et confortables, prolongèrent dans leurs rêves les plaisirs de cette journée. Le lendemain, dès l'aube, ils prirent congé des deux jeunes squatteurs. À 9 heures seulement, la dernière palissade fut franchie et la petite troupe s'enfonça à travers les contrées presque inconnues de la province victorienne.